Radiomatic. TCF brings up on. Pour cette transmission 3-1-1 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter en introduction une pièce du duo britannique In the Nursery, formée des deux frères jumeaux Clive et Nigel Humberstone, extraite de l'album Lingua, paru en 1998. Nous entendions la pièce Salient. Écoutons maintenant la formation bolivienne El Milagro Verde. Thank you. Audiomatique, nous venons d'entendre l'artiste et drummer Makaya McCraven et sa pièce Kings and Queens apparaissant sur sa toute nouvelle parution intitulée Universal Beings ENF Sides. C'est en fait une série d'outtakes, de remixes et de pièces reconstruites tirées des quatre sessions qui composaient l'album double Universal Beings. Avant cela, nous entendions la formation colombienne basée à New York, Combo Chimbita et sa pièce Al Templo de son plus récent album Aomalé. Et c'était El Milagro Verde, un groupe bolivien, qui était entendu en premier de cette séquence musicale. De son unique album Orbital Chicha, nous écoutions la pièce Don Lucho. C'est au tour du groupe américain Grizzly Bear de se faire entendre à Audiomatique. We'll be right back. Is a wind that gets singing whipping the tune. The same wind comes rushing that later lays low, and it pulls at my energies that continues to blow. Keep on the horizon. Keep on. Audiomatic, l'artiste canadienne Feist, Leslie de son prénom, nous offrait sa chanson The Wind apparaissant sur son plus récent album Pleasure, lancé en 2017. Précédemment à Feist, nous avions droit à Suzanne Vega et sa composition Pilgrimage, que l'on peut retrouver sur son troisième album Days of Hope and Hand, sorti en 1990. Et pour débuter, c'était le groupe Grizzly Bear et la pièce Aquarian tirée de son dernier et cinquième album Painted Runes, paru en 2017. Audiomatic se poursuit sur la musique électronique de la formation X-Marks de Pedwalk. Thank you. Thank you. À Audiomatique, cette séquence se concluait sur une pièce d'Amorphous Androgynous, qui est en fait un projet parallèle des membres de la formation de Future Sound of London, du premier album d'Amorphous Androgynous. L'album intitulé Tales of Ephedrina est sorti en 1993. Nous entendions la pièce Auto Pimp. Et avant cela, c'était la formation allemande X-Marks de Pedwalk et sa pièce Special Sign apparaissant sur l'album Meshwork, sorti en 1995. Pour mettre un terme final et définitif à cette transmission 3-1-1 d'Audiomatique, nous vous ferons entendre le groupe australien Trial of the Bow et la pièce Serpent, extraite de leur seul album studio Rite of Passage, sorti en 1997. La transmission 3-1-2 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Elle sera ensuite disponible sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Trial of the Bow et la pièce Serpent. C'était Audiomatique avec les sonoristes.